بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومتبعهم بالإحسان ليوم الدين أما بعد. طيب أولا أسألكم في الكلمات عليكم الكتاب ما معنى موقف سيارة الأجراء إدارة الجامعة كلف يكلف سار يسير سير نعم جامعة ثم الأسئلة يبي جست سلد إقراء كيف أفعل صح يبي دوت موكو استقبل يستقبلو أحد أحد شكر يشكر نعم. طيب السؤال الأول إلى أين أراد محمود الوصول؟ أنت. محمود أراد محمود. أراد الوصول إلى سكان الجامع. طيب هل عرف السائق السكان الجامعي؟ ما عرفه. ثالثا إلى أين أخذ السائق محمودا؟ أخذه إلى إدارة الجامعة. رابعا كم دفع محمود للسائق؟ ما أعرف. وانت؟ ما نعرف الدفع ليس بالمكتوب. لا نعرف الدفع. الدفع. الدفع. الدفع. لا. أيوة كسر مفعول به لا. لا نعرف الدفع أو ما نعرف الدفع هو ليس بمكتوب تأكدون كم تكلف الرحلة إلى هناك 20 ريالا هنا؟ في آخر النص محمود كم تكلف الرحلة إلى هناك؟ قال 20 ريالا. إذا دفع 20 ريالا. هذا cette partie là elle est en lien avec l'autre. هل شكر محمود السائق؟ نعم شكره. طيب ثانيا أجيب عن الأسئلة الآتية بماذا تصل من المطار إلى سكنك؟ أصل بالحافلة. طيب ثانيا عندي سؤال pourquoi là le verbe là il est présent là comme نعم le fiel il est au mot d'arrière là Oui, là, c'est quoi le sens de la question en fait? C'est avec quoi tu t'es rendu? Non, c'est au modal. Avec quoi tu te rends de l'aéroport à ta maison? Par quel moyen? Ah. ثانيا كم تكلف الرحلة من المطار إلى السكن؟ تكلفها عالية جدا. غالي. شير. Je l'ai payé cher, c'est ça non? La phrase n'est pas correcte. Je fais l'erreur. Attends, c'est bien combien tu as payé le voyage de la... Combien coûte? Combien? Ah ouais. Combien t'as coûté du moins? Ouais, bah, j'ai dit, ou quel livre a coûté? Toi, tu as dit, quel fat ni? T'es pas sujet, toi. Le sujet, c'est rihala. Tu as confondu entre le sujet et le mafoulbi. Pourquoi il y a un ta là? Parce que le rihla, c'est lui le sujet, c'est lui le fa'il. Et le rihla, l'endomma, c'est lui le fa'il. Combien t'as coûté la course, elle m'a coûté tant. Yukalifouni, en fait, c'est ça? Aïe, ouais. Tukalifouni. Tukalifouni, kam? كم تكلفك؟ $2,000. سبحان الله. 16,000 dinars. صحيح؟ تكلفني 16,000 dinars. لا تقول. 16. نعم. ألف. آلاف. لا ألف ومفرد. لكن لماذا مفرد؟ آه، c'est un درس d'ahkam من العدد، ça c'est un autre درس. Mais entre le pluriel il vient que entre 3 et 10 c'est tout. Après il vient en singulier. نعم. ثالثا بماذا أو عفوا ماذا تفعل إذا قدمت إلى المطار ولم يستقبلك أحد؟ أنا. تفضل أجيب حتى هو سأجيب إن شاء الله. أجيب. أولا جلست وانتظرت وين وإن طول الوقت قررت الاتصال بالذي استخرج تأشيرتنا تأشيرة. لكن هو قال ماذا تفعل؟ ما قال ماذا فعلت؟ سألك في مضارع. فعلت. قال ماذا تفعل؟ ما قال ماذا فعلت؟ أنا. لقد تجلست تقول لا أجلس. نعم أولا أجلس وانتظر. وإن طول الوقت أقرر الاتصال بالذي استخرج تأشيرة. طيب وأنت؟ ما فهمت. اقرأ الذي كتبته. إذا قدمت إليه استقبلني. C'est quoi que tu as écrit? Hein? C'est ça que j'ai écrit. Alors? C'est quoi la question? Je lis en écran tu l'auras là-bas ou je me donne directement la traduction? Fais les deux. Fais les deux. Mada tafalu idha qadimta ila al-matari wa lam yastakbiluka ahad. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es arrivé? Si tu arrives à l'aéroport. Mais tu vois, pourquoi là il est au. T'as vu? Pourquoi là il est au. Moi, là. Hein? Parce qu'il dit si tu arrives, mais là c'est si tu es arrivé en fait. Qu'est-ce que tu fais si tu es arrivé? Donc, moi c'est ça que je comprends. Ben, il veut dire si tu arrives. Qu'est-ce que tu fais si tu arrives à l'aéroport et personne ne te reçoit? Ailleurs Ah ouais, ok. Anna, Tu vas rester longtemps. Ouais, je laisse. طيب ندخل في الوحدة الثالثة من الموضوع الثاني هي عنوان المواصلات qui sont les transports. طيب قال الوصول إلى المكتبة الوصول كيف تقول بس كيف تقول نعم طيب الكلمة الجديدة غالية غالية c'est le féminin de غالين qui veut dire cher. شارع c'est la rue. شوارع c'est le pluriel. وسيلة et c'est un moyen. Wasila, c'est un moyen. Muzdahima, à la base, Muzdahim, c'est un lieu qui est bondé, plein de gens, il y a la foule. Vous voyez, Muzdahim, c'est un lieu où il y a de la foule. Et là, le thème important, c'est qu'il est au féminin. Raja, là c'est un vélo. Nawafiz, c'est le gemme de Nafiza qui veut dire fenêtre. Afdol, c'est meilleur, préférable. Hada afdol min hada, cela est mieux que cela. Kathira, ma'louf, beaucoup. Da'imen, ça veut dire tout le temps, continuellement, toujours. Kurb, ça veut dire proche. Et proche par où, proche là, ils veulent un lieu là. Bon, peut-être c'est un temps. Pourquoi tu dis courbe? Tu me dis ça. Hein? Tu me dis ça, courbe, rapproche-toi. Là, moi je te dis ukrum. Ah. C'est un verbe. Là, c'est pas un verbe. Proche. Là, ils veulent sûrement dire un lieu ou un temps. Mais courbe, c'est valable pour les proches par où aussi? Non, c'est karim. طيب مواقف للسيارة مواقف c'est le gemme de موقف c'est le pluriel de موقف والتراكيب النحوية والصرفية on les prend directement dans le texte inshallah. طيب عندنا طارق ومالك أنت طارق وأنت مالك. أهلا يا مالك. اليوسي دي السلام عليكم. معايا. نزيد. ها؟ نزيد. أي كرا أي كرا. توش ما نوسي بس السلام entre nous الحمد لله. Eux, c'est leur problème. Si après, ils ne s'aiment pas trop, c'est eux qui vont chercher. Hein. Parce que le salam, c'est parmi les causes de l'amour entre les frères. Mm-hmm. Okay. Non, donc, on a dit quoi ? Ahlan, c'est une formule de bienvenue. Ahlan mm-hmm. Ou salam, pareil. Et quoi ? Pourquoi tu ne te présentes pas Tu ne viens pas plutôt aujourd'hui. Tu ne viens pas à la bibliothèque tous les jours. Li annani askunu qurbal matari wa sayyaratul ajrati as-sayyaratul ujrati ayo wa sayyarat فسيارة أجراتي غالية. غالية. غالية. نعم. Donc les nani c'est parce que je. Et ça vient quand on pose une question avec l'imada, tu réponds avec li annani, ou li annaka, ou li annahum, en fonction de la question. Ça va venir, Inch'Allah, dans l'exercice. Donc il dit parce que j'habite proche de l'aéroport. Donc tu vois la courba, c'est proche dans le sens du lieu, pas de la personne. Au Sayyarat al-Ujra, Ghaliya. Les taxis sont chers. Tariq. لماذا لا تحضر بالحافلات هناك خطوط كثيرة لها. Pourquoi tu ne viens pas par les bus là-bas Là, هناك serait plutôt dans le sens là, il y a. Il y a beaucoup de lignes. Pour les bus, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a... Où les monter, c'est-à-dire où les trouver pour monter. Min Aina Al-Kabou, d'où je dois monter dans les bus. Al-Kabou, c'est je monte ça. Ah, il y a. Ah, ok, voilà. T'as l'air C'est cool. Dans toutes les rues. Dans chaque rue parmi les rues. Ouais, dans chaque rue parmi les grandes rues, il y a une station de pour les bus. Il y a deux stations. Mawaqif. Des stations de bus. وهل هناك وسيله اجراء اخرى فالحافله دائما مزدحمه ils ont fait une faute c'est مزدحمه en fait normalement la kasra elle est sur le mim et la fatha la kasra la fa elle est sur le ha et la fatha elle est sur le mim ils ont fait une erreur qui demande est-ce qu'il y a un autre moyen aussi là on a dit c'est moyen et ukhra c'est le féminin de aha falhafila daiman muzdahima car les bus sont toujours bondés tout le temps remplis ukhra c'est le féminin de akhar akhar qui veut dire autre vous n'oubliez pas qu'on dit hel hunaka des fois ça veut dire est-ce qu'il y a هناك كذا إلياس تشوز تشوز طارق يمكنك أن تشتري الدراجة Il est possible que tu achètes un vélo. هذا أفضل شكرا شكرا جليل جليلا جزيل شكرا جزيلا إلى اللقاء إلى اللقاء نعم Je dis cela est meilleur. Un grand merci et à la prochaine. En fait, ce sera la prochaine rencontre, mais là, on dit à la prochaine. Et pas de salam quand ils se séparent aussi. La ilaha illallah. Je ne sais pas dans quel état ils sortent tout l'air de cette jamia. Les frères ne sont, sont pas arabophones, je ne sais pas dans quel état ils sortent. Cette jamia. Je crois, ouais, non. On a un vol, c'est toujours. En tout cas, la tarbiya, elle est vraiment au revoir. Taïeb. Mafou Menas ? Yakul. Awalen, istamir, waraddid. Donc là, il va vous apprendre une certaine façon de parler en langue arabe. Je ne sais pas si elle est contemporaine ou ancienne, parce que beaucoup de choses là qu'il emploie là, comme on vous a dit, c'est de l'expression orale contemporaine. Taïeb, le salaf, il ne parlait pas de cette façon. Là, c'est de façon polie et tout, un petit peu qui ressemble à celle des koufars. C'est pour ça que là, le but, c'est surtout de pouvoir connaître du vocabulaire et apprendre à formuler des phrases basiques. À même parler comme eux, ils font dans le livre, je ne vous conseille pas de le faire. Taïb. Yaqul, fi kulli shari' min al-shawari' mawaqif lil-hafilat. Donc, dans chaque rue. Parmi les rues, il y a des stations de bus. Fi kulli baladin min al-biladi ma'ahid lil-dirasa. Donc, dans chaque pays, parmi les pays ou contrées, parce que des fois Belal s'appelle contrée, il y a des établissements d'études. Ma'ahid, c'est le terme de ma'ahad. On a dit que c'était un institut, une école, un établissement. On l'a déjà vu, ma'ahad. Il est passé, je crois, par avant. Salifan. في كل كتاب من الكتب دروس للقراءة. Donc dans chaque livre parmi les livres, il y a des cours pour la lecture. رابعا في كل حجرة من الحجرات سرور للنوم. Donc dans chaque pièce parmi les pièces ou chambre parmi les chambres, il y a des lits pour dormir. في كل مطعم من المطاعم مقاعد للجلوس. Donc dans chaque restaurant, parmi les restaurants, il y a des sièges pour s'asseoir. Maqa'id, c'est le jam de maqa'ad, qui veut dire place, siège. Lieu où tu t'assois. Sadisan, fi kulli maktabatin min al-maktabat rufufun al-kutub. Donc dans chaque la bibliothèque, parmi les bibliothèques, il y a des étagères pour les livres. Rufouf, c'est le diable de Rauf, qui est une étagère. Sabi'an, fi kulli matarin min al matarat salat les musafirin. Donc dans chaque aéroport, parmi les aéroports, il y a des salles, voyez, pour les passagers, voyageurs. De Maqad. C'est-à-dire le singulier. Pas le singulier, non. Non. Maqad. Ah, c'est Maqad. Tu vas apprendre, c'est Ism Meken, c'est un nom de lieu. C'est parmi aussi les noms que tu vas prendre en sauf. Comme on a un verbe, tu prends le nom d'un lieu. طيب ثانيا اكمل كما في النموذج complète comme dans l'exemple. Ils disent في كل après un trou أدراج للطلبة entre parenthèses معهد. Donc après tu rentres le mot معهد et tu fais une phrase comme ce qu'on vient de lire précédemment et ils disent quoi في كل معهد من المعاهد أدراج للطلبة. أدراج à la base c'est tiroir, donc là il veut dire les casiers, je pense. Je pense qu'il veut dire les casiers pour les étudiants. Non. Ça peut être aussi des tiroirs. Il veut dire des casiers de rangement. Et c'est au pluriel là. Non. Le moufard c'est darj. Darj. Non. La voix de Ferri. Et ça, à la maison, on peut l'employer, tiroir de maison. Ouais. C'est un bureau, tu dis, fidorge, un tiroir. Donc vous faites pareil, Inch'Allah, pour l'exercice avec toutes les phrases qui sont en dessous. Wa'ada fil bayt. Inch'Allah. طيب ثانيا يقول استمع وردد يكوت عيبت يجوز يكوتين يقول لماذا تذهب إلى المكتبة pourquoi vas-tu à la bibliothèque donc maintenant il va faire employer parce que je Une question pourquoi, tu réponds comment, pourquoi ? Parce que. Et après tu mets le sujet qu'il faut. Donc quand il te dit « Limaza tadhabu l'maktabati » Taqul « Li annani » À la base c'est « Li anna » Vous voyez, « Li anna » et après tu rajoutes « Damir » qui correspond à la question. Et là comme il te demande à toi, donc tu mets « Damir » et il y a « Mutakallim »« Li annani »« Ay ana »« Li annani »« Uridu an akra'a as-suhuf » Et parce que je veux lire les journaux. Thaniyan, limaza tadhhabu ila al-matar? Pourquoi vas-tu à l'aéroport? Yaqul li annani uridu an usafir. Parce que je veux voyager. Thalithan, limaza taftahu al-kitab? Pourquoi ouvres-tu le livre? Li annani uridu an aqra. Parce que je veux lire. Rabi'an, limaza tadhhabu ila al-biqala? Pourquoi vas-tu à l'épicerie? Li annani uridu an ashtari 'asiran. Parce que je veux acheter du jus. طيب, fa rabi'an yaqul ajib kama fi an-namuzaj. Donc là c'est la même chose. Il vous met la phrase, limaza tahduru ila al-maktaba? Pourquoi te rends-tu à la bibliothèque? Entre parenthèses, mets le verbe qu'il faut que tu emploies. Et la réponse, Lianani uridu an akra. Donc toi tu dis Lianani uridu et tu emploies le verbe qui est entre parenthèses. Adan nafal al-an, inshallah. Anna quel jumla de l'oula? لأنني أريد أن أتناول الطعام. نعم. Traduit. Pourquoi pars-tu au restaurant? Parce que je veux prendre comment dire ce que je veux manger. نعم. Il dira comme ça. لماذا تذهب إلى الملعب? لأنني أريد أن ألعب الكرة. Pourquoi pars-tu vers le terrain de jeu? Alors, c'est un terrain de jeu. Terrain de jeu. Parce que je veux. Au football. Ah oui, te dis pas l'image. Tu as le masjid. Tu vois, tu as des trucs, tu vois, tu te demandes. Alors, qu'est-ce que tu veux apprendre à tes toulabs là? Et le Coran, il dit pas qu'on a tout. Il veut jouer au ballon. Ouais, ouais. Il veut jouer au ballon. Au moins maintenant. Parce que je veux jouer au ballon. Il dit, c'est un truc de dounia, ce livre. C'est pas un livre. Qui ouais, fait pour ça, toi, ça te grandit, c'est pas pour vous rapprocher d'Allah vraiment, tu vois. C'est pas un truc qui va vous donner une science, qui va vous permettre d'avoir un tafakkur din ou des choses comme ça. On va prendre des mots, mais comme je vous dis, c'est pour ça que on fait le 1, mais je sais pas, on va faire le 2 ou le 3. Ah ouais. Franchement, ça fait peur après. Dans quel état tu sors quand tu as fini un livre comme ça et que tu n'as pas de bonne directive avec toi? Non. Ça arrive. لأنني أريد أن أشتري الفاكهة. ما فيها ألف ولام؟ لأنني أريد أن أشتري الفاكهة. Pourquoi partir chez l'épicier? Parce que je vais acheter des fruits. Un fruit. نعم. رابعا. لماذا تشتري دفترا؟ لأنني أريد أن أكتب رسالة. Pourquoi achètes-tu un cahier? Parce que je veux écrire une lettre. نعم. لماذا تسأل عن عنوان أحمد؟ لأنني أريد أن أزوره. Pourquoi demandes-tu l'adresse de Ahmed? Parce que je veux le visiter. نعم. لماذا تحجز مكانا في الطائرة؟ لأنني أريد أن أسافر إلى البلاد. لا. إلى بلادي. Pourquoi te réserves-tu une place dans l'avion? Parce que je veux voyager vers mon pays. On va dire mes terres. Et là, après, c'est pareil, je crois qu'il va vous exposer d'autres exemples plus tard dans d'autres cours. Là, on a appris l'anani, parce que je, mais après, il y a parce que tu, parce que vous, parce qu'il, ainsi de suite. C'est le même dans l'air. Il m'a dit à vous, il y a un nec, il y a un hou, il y a un nec, il y a un nec, il y a un nec, قل لي أننا نريد أن نفعل كذا وكذا. أبغى سيد تمل دميان فصل لك السؤال. طيب خامسا سكما استمع وردد. هل تحضر إلى المعهد؟ Est-ce que tu vas يعني à l'école, on va dire, au institut? La réponse نعم أحضر إلى المعهد. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Fais naam la, après tu as la réponse. Fanyan, hel tahdourou il est le maktabati. La ahdourou il est le maktaba. Donc il veut faire comprendre que hel, c'est une question qui inclut la réponse avec naam aoulam. Et a, pareil. حبس في استفهام تريد كذا نعم اريد او لا لا اريد c'est pareil le sens de l'utilité de différence. Il y a des petites différences, des fois il y en a qui rentrent plus dans une jumla ismiya, d'autres une jumla fi'liya, ainsi de suite. Sinon le sens il est pareil, et des fois t'en as on l'utilise et pas l'autre, mais sinon le sens c'est le même. Mais dehors ils disent eish. Ça c'est ils ont rentré avec shei eish en fait. Quand on dit Eish Turid, c'est Eishay Turid. Quelle chose veux-tu? Quand on dit Eish, il y a un quoi en fait? Ouais. Et c'est venu chez les salafs, c'est employé. Eish? Non, Eish, c'est employé si chez les anciens. On n'est pas trop loin de ça va. Là, ça va, tu peux le dire. Mais c'est pas tout le monde qui le dit, les pays ne vont pas le dire. Thalithan, Hel Tarkabu Seyyara, est-ce que tu montes dans la voiture? Naam Arkabu Seyyara. هل تركب الدراجة؟ Est-ce que tu montes sur le vélo؟ لا أركب الدراجة. On avait expliqué la différence qu'il y avait entre ما et لا. Est-ce que tu peux employer les deux pour vous donner? Est-ce que l'un de vous deux, c'est la différence qu'il y a entre par exemple ما أكل الطعام ولا أكل الطعام. Là, ma akul ta'am, c'est sur le moment, je ne mange pas, et là, c'est ouais, le temps. Non. C'est ce que je mange. Oui, parfait. Vous l'avez vu ça ? Là, là, c'est dans le kitab Awel, je crois, ou dans le 2, ils en parlent. Et donc là, il mais je peux couvrir que la feuille d'un. Tu m'as vu les couches. Je pense que dans le là, c'est, je ne sais pas si c'est trompé ou si c'est le mais là, Ahdoro, il a un maktab, c'est-à-dire qu'il ne se présente jamais à la bibliothèque. Bah oui, parce que ça coûte cher. Ça revient au texte, il dit, parce que ça coûte trop cher le taxi, donc il vient pas. Ah non. Il dit habituel, c'est pas son habitude de venir quoi. طيب سادسا عجيب كمان في النموذج النموذج يقول هل تفضل القهوة لا أفضل القهوة. Donc là il va vous faire apprendre à utiliser le verbe فضل يفضل qui veut dire préféré. Donc est-ce que tu préfères le café? Il dit je ne préfère pas le café. Là, les questions, vous répondez. Elle, tantaziru, elle hafile, est-ce que tu attends le bus? Ah, c'est pas que Afouane, non. Là, en fait, j'ai dit, c'est pas que tu veux trop de délo. C'est en fait question-réponse. Avec Nam ou Alain. Comme le truc précédent. C'est pas spécifique à Faddala. Faddala, c'est juste un exemple comme ça. Nam. Elle, tantaziru, elle hafile, donc, intazara, intaziru, ça veut dire? Nam. Donc, est-ce que tu attends le bus? Adib? Là, et nous, on voit comment on dira. La meilleure façon, c'est comment on dirait. Là. Pour avoir une phrase plus concise. Là, ah oui. Faut pas faire de répétition. Non. Donc répondez que le domir. C'est mieux, comme ça. ثانيا هل تقرأ الكتاب؟ Est-ce que tu lis le livre؟ لا أقرأ. ثالثا هل تشتري الدراجة؟ Est-ce que tu achètes le vélo؟ لا أشتريها. رابعا هل تغادر المدينة؟ Est-ce que tu quittes la ville؟ Parce qu'elle n'est pas de Medina, c'est une ville. Khamisan, هل تسأل الطبيب؟ Est-ce que tu interroges le médecin? لا أسأله. Sadisan, هل تعرف المكان؟ Est-ce que tu connais le lieu? لا أعرف به. سابعا هل تريد السفر؟ Est-ce que tu veux voyager؟ Là en fait est-ce que tu veux le voyage mais on dirait est-ce que tu veux voyager؟ لا أريد. سابعا صل كل كلمات من كلمات المجموعة المجموعة أليف c'est-à-dire le groupe catégorie أليف بعكسها من كلمات المجموعة باء كما في النموذج. En fait tu lis entre les confrères. Dans chaque colonne tu as des mots, toi dans l'autre colonne opposée tu lis entre les contraires, les opposés. مثلاً مجموعة ألف tu as le قبل. Enfin dans مجموعة باء بعد c'est le contraire. Ça n'est pas si li tête de lier. Ah ouais. Et c'est quoi le truc? Assi, c'est quoi le... Hein? Le verbe là. C'est wafala. C'est le même verbe. Wafala. Faire parvenir. Wafala, ça c'est... Ça a plusieurs sens. Toi, reste pas sur un sens sur un verbe. Un verbe peut être employé de différentes façons. Ça va? Et normalement, que le sens de la phrase, tu peux déterminer ce qui veut dire le verbe. هذا في البيت كذلك. عندي سؤال. نعم. القرب سيدير لو بلو بروش القرب. القرب. سو ماركي الف هيك فتحة. لا سي لا بروكسيميتي. القرب سي الف لام الوغ يبا لا تو مي تو سول. القرب. Mais si tu mets en bout d'un filet, c'est proche de. Et tout seul, c'est la proximité. Et le je marquais Khali. Aïn. Khalia. Aïn. Je me rappelle. C'est le contraire de Khalia, c'est-à-dire vide. Et souvent, en temps, ils disent Khali, Khali, c'est-à-dire Khali. Ça vient de Khala, Yukhali, c'est-à-dire délaisser place. D'accord. Donc ça n'a pas de son. Ça passe en base de raison. Khalia. Ça n'a rien à voir avec Khali. Non, c'est pas le même. Attends, il est où le. Voilà, ça veut dire vide. Vous voyez ? Et quand c'est masculin, on dit khali. Non, khalin. Donc tous les mots là, normalement, on les a pris. Qobl, avant. Dakhil, l'intérieur. Soud, la montée. Akfala, c'est kadnasé. Huna, c'est ici. Kassir, beaucoup. Al-Kurb, proximité. Muzdahima, la foule. Al-Buhut, l'atterrissage. Al-Bu'd, l'éloignement. Hunaka, là-bas. Qalil, peu. Khalij, extérieur. Khalia, vide. Ba'd, après. Fataha, ouvrir. Ça y est, Hunaka, Hunaka. Fiswal. فنقول الحمد لله رب العالمين